RQC. Il est 20h. Allô, c'est Alastair Sin de groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur RQC 95 FM. Bien le bonsoir cinéphile, oh là là. Bonsoir cinéphile, oh, ça c'est joli comme petit nom. Mais j'étais en train de penser à ma rubrique de film pour mon autre chronique. Bonjour, chère auditeur, auditrice, dire qu'il s'est non dans enfin, bonjour, c'est mal. Joséphine, tu sais, l'ange gardien. Ping, hop. Un petit glaçon. Bon, bonsoir. Bah, comment je dois le prendre, hein. Tout de suite, Mimi Mati, c'est bon quoi, là. Non, là, quand même pas. Sylval, c'est quand même mieux. Alors, bonsoir, Sylval. Bonsoir, Monsieur Scream. Bonsoir, petit slasher qui nous bonsoir, écoute. Bonsoir, oui, il est loin. Monsieur Slasher. Il se repose. Voilà, mais bon, il a laissé son petit message, on verra pourquoi après. Alors, on remise du Hellfest ? Mais écoute, difficilement. Hein. C'est ce dur, que je discutais avec des amis entre deux qui sont été chez le concurrent Grasse Pop. Et eux aussi, ils ont de la misère à s'en remettre. D'accord, c'est plus petit le Grasse Pop. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on me disait. Donc, voilà. Mais bon, on en parlera après. Ouais. Nos impressions. Tes impressions. Les impressions du slasher. Car pour toi, c'est nouveau, le slasher, c'est sa deuxième. Mais c'est bien d'avoir un peu des avis différents. Ouais. Parce qu'au départ, il y a des gens qui étaient réticents. Et après... Il y a des gens qui sont plus emballés, il y a des gens qui sont toujours pas emballés. Voilà. Il y a des gens qui sont déballés, mais oui, voilà, ils savent pas pourquoi. Comment est-ce qu'on les a déballés, on sait pas. Et bien entendu, il y aura beaucoup, beaucoup de nouveautés. Et normalement, et on est gentil, on va franchement vous faire une exclusivité. Mais alors là, c'est une méga exclusivité. Les Dagobah sortent un album le 28 août. Mm-hmm. Et on a reçu déjà l'album. Et on peut vous jouer un titre de cet album. Et on va vous le faire découvrir. C'est super ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Ah ouais, voilà, donc ils pourront écouter. L'album, il sort exactement le 25 du 8. Donc tu vois, pratiquement 2 mois à l'avance, quoi. Et ça, c'est un peu grâce aussi aux médias, au Hellfest aussi. Mm-hmm. Car quand on est sur place, on est un peu privilégié d'avoir des choses, quoi. C'est sûr qu'eux avaient fait un sacré Hellfest, hein, il me semble. Ouais, ils avaient. C'est eux qui ont les records. Ils ont fait la plus grosse vague, je crois. Ouais, le Wall of Death. Quel nuage de poussière aussi qu'il y avait eu. Hein. Ah ouais. Mais je crois que cette année, c'est les records de poussière. Et les records de bibine, mais on en parlera tout à l'heure. Et les records d'autre chose aussi. Ah ça, je ne sais pas. Les records d'acide dans le canapé. Montrez vos nichons. Ah oui, les nichons. Ah, qu'est-ce que ça m'a fait rire encore ça, enfin bref. Les nichons. Il faudra quand même qu'on donne un cours à Satchel. Hein. Ouais, mais bon, c'est marrant, ouais. Quoi, avec son accent, ouais. Les nichons. Satchel, si tu nous écoutes, c'est nichon. Et pas Michonne. Ouais, mais bon, Michonne, ça m'a fait marrer, moi. Aussi. Ça, c'est parce que c'est un fan de Walking Dead. Il aime bien Michonne et pas Michonne. Allez, on va s'écouter un titre et puis on se retrouve tout de suite après. Et on commencera à rentrer dans le vif du sujet. Et bien entendu, le slasher n'étant pas là, il a quand même laissé sa petite empreinte. Sa song ou sa petite note, quoi, on va sa dire. Sa petite note sur le Hellfest. On va s'écouter Dawn of Morgana, Innocence Lost. C'est tout de suite, c'est maintenant et on se retrouve tout de suite après. Ok. So surreal when I hold your hand and help you breathe. If I could only kill your disease, then your dreams will be Voilà, donc c'était Dawn of Morgana, Innocence Lost. Voilà, un mélange de growl, comme ça, avec une voix lyrique. Hein. Mm-hmm. On commence toujours généralement doucement ici dans Rive d'Enfer. Alors voilà, donc on va commencer Honneur aux Dames. Le slasher, t'avais qu'à être là, voilà. Sylvain, pour ton premier Hellfest, on va d'abord parler du jeudi. De tout. Hein. Ouais, on arrivait du jeudi épuisé. Ça, je l'avoue. Épuisé. Assoiffé. Assoiffé, surtout. Épuisé. Non pas parce qu'on n'avait pas à boire. C'est pas ça. C'est... Merci, les vigiles. Mais franchement, je leur en veux pas. Ils ont dû doubler de vigiles à cause de ce qui se passe à travers l'Europe, le monde même. Ouais. Et donc, il y a des gens qui n'ont jamais exercé. Il a mal compris, le vigile. Ah, oui. Il a cru qu'on ne pouvait pas passer par là. Donc, il nous avait fait un détour. 17 bandes dans les lattes le premier jour, c'est mal. Ouais, 17 bandes dans les lattes. Les retours, ça me fait mal à moi. À moi, ça me fait très mal. À vous, vous a perdu totalement. Je ne sais pas si le dernier jour, on les perdra encore, mais là, le premier jour, on avait une avance phénoménale sur vous. Voilà. Ils avaient franchement. Et moi, je ne peux pas marcher plus lentement. Après, ça va pas, je perds mon rythme, tu sais. Ouais. Donc, mais ça, c'est parce qu'on m'a toujours appris à marcher à quatre pattes. C'est pour ça que je suis lent. Non, mais c'est vrai que 17 bornes au premier jour. Fallait le dire, j'ai pris une laisse, tu sais, comme dans le clip avec Rammstein. Oui, mais après, à travers le bois, je relevais la patte sur tous les arbres. Hein. C'est pas grave, c'était juste pour la frime, tu sais. Non, mais c'est vrai que bon, le gain, on peut rien du tout, je n'en veux pas du tout, quoi. Ouais, ça arrive. Alors voilà, alors ton ressenti quand t'es arrivé sur les lieux. Après une petite marche. Bah écoute, après une grande marche surtout. Bah écoute, le ressenti, on a vu la petite partie quoi, au premier coup quoi, on va dire ça comme ça. Qui a le club, comment? Le Hellfest Club. Ouais. Ça porte un autre nom là. Le petit jeune, il travaillait là. Ouais. Enfin bref. Et bah écoute, sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est petit, mais bon, il y a une bonne ambiance. Mais bon, c'est petit fatalement, vu qu'on n'avait que la première partie, vu qu'au niveau cathédrale, c'était pas ouvert. Ouais. Mmh. Donc je me suis dit, bah ouais, il y avait les marquettes, tout. Point de vue marquette, j'étais vachement déçu. Par contre, ça m'a déçu. Déçu de quelle façon? Trop bah, de monde écoute, ou trop serré peut-être? Non, ça allait, mais point de vue, moi je pensais, moi j'ai jamais dit, ah, prendre la thune à mort, tu vas trouver des suites à capuche de tous les motoreds, les Alice Cooper, les Motley, enfin les ministries, tout ce que tu veux. Bah j'ai rien trouvé ensuite à capuche. Parce que moi, j'aimerais bien changer mon suit à capuche, tu sais, hein, voilà. Mais et bon, je me suis dit, merde. À défaut, t'as pas trouvé des suites à capuche ministry, mais t'as vu un ministry. Ah oui, j'ai vu mon membre préféré de chez ministry, en plus. Mmh. Non, mais je crois qu'à mon avis, pour faire le market, hein, c'est un choix qu'il faut faire. Il faut dire, bah, on va perdre 3-4 heures. Je pense que... Ben, on a perdu, hein, ma nièce et moi, on a été du matin très tôt. Donc j'ai dit, il me faut absolument que je cherche pas de suite à capuche, aucun. C'est peut-être dû... Par contre, des t-shirts, oui, attends, veux-tu, on voit là, quoi. Mais c'est peut-être dû aussi qu'ils se disent, bah, on va peut-être pas en vendre beaucoup, il fait chaud, alors on va laisser les suites dans les cartons, peut-être. Bah, c'est ouais, peut-être ça. Commander sur Internet, j'aime pas toujours, c'est pas la preuve, c'est pas toujours à ta taille. Ouais. J'en ai encore eu la preuve dernièrement. Bon, moi, c'est parce que j'ai des astuces couture, comme tu sais, mais sinon, en général, c'est ou 10 fois trop grand, ou 10 fois trop petit. Ouais. Je vais mettre qu'un canichon dedans. Cornichon. Ça m'a resté cette histoire. Et donc, le décorum de... donc, bon, façon... après, le décor, tout ça, ouais, ça fait... ça m'a fait penser à ce que tu disais bien, un club de vacances pour métalleux. C'est clair et net que ça fait penser à ça. Mm-hmm. Bon, là, le décor, ouais, il est génial. Hein. Il est génial, hein. Ouais. Ouais. Franchement, il est génial. La Warzone et tout, elle est géniale, hein. Moi, j'étais jusque-là, fatalement. Mmh. J'ai vu ma statue Motorhead, tout. Ouais. Non, moi, j'ai bien aimé, personnellement. J'ai bien... Bon, il y a beaucoup de monde, ça, c'est sûr. Ah, ça. Ça, c'est sûr que pour arriver au siège où il y a les vapeaux, là, tu sais, qui nous tombent dessus pour nous rafraîchir, c'était impossible. Impossible. Ouais. Sinon, j'ai trouvé une ambiance hyper sympathique. Ah bon, oui, il y a des gens un peu plus tordus, mais ça, comme partout. C'est partout. Hein. Mais j'en ai pas vu beaucoup. J'ai trouvé que c'était très, très sympa. Ouais. Très sympa. Bah, sans plus alcoolisé. Perso, j'ai pas tombé sur des gens. Voilà, j'étais bien placé, soit l'un ou l'autre. Qu'on dit toujours, mais t'as des bourrés pourtant, qui roulent à quatre pattes ou je sais pas quoi. Bah, pourtant, 350 000. Ouais. 350 000 verres écoute, de bière. Des gens vachement courtois, gentils. Bah, je suppose que tu l'as vu l'image du petit jeune en fauteuil roulant. Ouais. Moi j'étais là. J'en ai vu plusieurs, hein. J'ai vu le petit moi, jeune. Moi j'étais présent au concert, j'ai trouvé que c'était vraiment un geste magnifique, c'est vrai. Mm-hmm. Après j'ai vu la dame avec ses cheveux un peu rouges comme moi, là en fauteuil roulant, elle était à côté de moi en plus, cette fille. Mm-hmm. Et bon, bah, elle est partie slammer, elle est revenue, elle était. Aux anges. J'ai vu son visage. Mm-hmm. D'ailleurs, on s'est fait une petite tape dans les mains et tout, et elle était aux anges, quoi. Mm-hmm. Moi, ça, j'ai trouvé ça de la part des gens, du public, magnifique. C'est un très bon public. Ouais. Et gentil, parce que, ben, quoi qu'on en dise, tu cherches quelque chose ou autre, parce que ben, c'est très grand. Après, une fois que les portes de la cathédrale s'ouvrent, c'est très grand. Donc tu dis, ben merde, d'un seul coup, je suis perdu, où vais-je, que fais-je? Au secours, au secours. Et là, ben, t'as les gens qui t'indiquent, mais super sympa, quoi. Mmh. Mais c'est marrant, parce que je suis content d'avoir ton ressenti à froid, je dirais à froid, ouais, après les retombées. C'est pas plus cher qu'ailleurs. Voilà. Hein. Bon, il y a le trajet qui... Bon, il y a le trajet. Mais il en vaut la peine. Il en vaut la peine pour plusieurs choses. Ouais, moi, je trouve qu'il en vaut la peine. Mais sur place, au niveau boisson, consommation, nourriture, et ainsi de suite, bah, moi, je trouve que ça en vaut la peine. Oui. Non, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Surtout qu'en plus, ils sont cool parce qu'on peut rentrer aussi avec ses bouteilles et tout ça. Ouais. Donc, ils sont vraiment cool. Bah, hein. Du moment que c'est des bouteilles en plastique. Donc, pour les fans de Red Bull et de Monster, bah, vous mettez votre Red Bull et Monster dans la bouteille en plastique. Idem pour les gens qui veulent remplir de whisky ou de rosé. Parce que c'est ce qu'on dit, 350 000 verres de bière vendus. Il faut encore voir ce qui a été consommé en bouteille dans le camping et tout ça. Camping, maintenant, hein. J'ai pas été trop voir. Bien qu'on l'a traversé à plusieurs reprises, ce camping. 4 fois. Bonne animation quand même, dans le camping, j'avoue. Et... Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir ton ressenti à froid, donc pratiquement une semaine et deux jours plus après, car au départ, tu le sentais pas trop, faut dire la vérité, t'étais là. Ouais, je vais y aller, ce sera une fois pour dire que j'ai fait. Moi, c'était juste pour voir, quoi. Je t'avais dit, bon, je vais y aller juste pour voir. Puis bon, c'est vrai qu'après, avec tout ce qui se passe aussi en ce moment, des fois, on a un petit peu une appréhension. Moi, j'avais quelqu'un avec moi qui est de ma famille, mais qui n'est pas mon gosse, comme je dis. Mmh. Quand tu prends quelqu'un et que malheureusement, il arrive quelque chose, bon, faut pas toujours penser à ça parce que là, tu sors plus. Mmh. Mais bon, voilà, quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a la route, ça c'était long quand même. Quoi. Ouais. Mmh. Mais une fois qu'on y est. Une fois qu'on y est, bah, on oublie la route. On a plus de chance, on a déjà, faut dire la vérité, c'est le climat. On a plus de chance. C'est beau parce que je me suis dit à un moment donné, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être fait un peu trop chaud parce qu'à un moment donné. C'était la cagnard. Ah ouais. Mais si c'était en pleine pluie. Ça aurait été le bordel. Et il faut dire aussi, et ça je tiens vraiment à le signaler. On dit que des fois que les Bretons, c'est des têtes de cons. Les Loirentais, parce que c'est dans le pays de la Loire. Mais franchement, c'est des gens super, super accueillants. Ouais, on a logé chez l'habitant. En Bretagne, mais bon, pas trop loin, quoi. Mais ouais, on a logé chez l'habitant, ouais. Chapeau. Ouais, c'était sympa. Hein. Ah non, Béa et Franck, s'ils nous regardent, d'ailleurs, un petit coucou, on vous oublie pas. c'est vrai que non, ils étaient gentils. Et à même, ce niveau-là, ouais. Et même les clissonnets dans la rue, comme dans tu t'avais dit. Hein. Dans la roue de la grande roue. Non, ah, mais voilà. J'ai pas été, manque de bol, on l'a loupé, cette grande roue. Là, après, on va écouter une chanson, puis après, on va revenir avec l'espace VIP ou que tu as fréquenté aussi. Mais on va d'abord écouter un titre. On reviendra avec l'espace VIP que tu as fréquenté. Et après, on s'écoutera un titre à toi. Bon, d'accord. D'accord. Pas de problème. Là, on va s'écouter Altigira, I Want No Band, extrait de l'album An Ant Wis, et on se retrouve tout de suite après les loulous. We were born with much more generosity. Eh ben c'est pas mal du tout, Alzira, I Will No Bend. Alors, voilà, je continue un petit peu. C'est marrant parce que je fais une interview de ma collègue, c'est marrant. Hein. quel titre avez-vous chanté dernièrement? Alors, comment ça s'est passé, ton duo avec Rob et Zombie et Style en même temps? Non, blague à part. Donc, l'avantage qu'on a, c'est que nous, on a pu fréquenter le bar VIP. VIP, hein. Ouais. Le bar et tout, le côté presse. Mm-hmm. Qui est pas mal d'ailleurs aussi, oui. Côté presse. Hein. J'étais surprise en bien, moi. En bien. Mmh. Mmh. Moi, j'étais un peu déçu. Personnellement, attention, c'était très bien, c'est très, très zen, très, très bien. Hein. Mais si tu veux, tu vois, ce que tu as vu à la Warzone, avant, c'était notre point VIP qui était VIP. Mais d'accord. Ils ont transporté le décorum de la Warzone à la Warzone. Ouais. Avant, si tu veux, on était dans un milieu apocalyptique. On pouvait se mettre dans les voitures qui étaient cramées, des choses comme ça, tu vois. Ouais, mais là, t'as la petite piscine quand même. Et maintenant, il y a la piscine. Voilà. Bon, se baigner le premier jour peut-être. Le dernier jour, ben... Bah, je sais pas, moi, le dernier jour, j'ai pas trop été là dans l'après-midi parce que j'ai voulu un petit peu me reposer pour la route qui nous attendait. Et comme c'est encore le moment des examens, n'est-ce pas? Enfin, moi, je suis plus à l'école, sinon j'aurais beaucoup redoublé. Mais bon, voilà quoi. Donc, on a dû partir un petit peu plus tôt. Mais bon... Moi, j'ai apprécié le ah oui, le il était bien. VIP, hein, il était bien. En disant, j'ai trouvé qu'il était magnifique. La qualité de l'herbe synthétique, l'herbe sur laquelle on peut s'asseoir, je confie. Oui, oui. Le gazon qu'on aime bien brouter, les amis. Oui, je tiens à vous le dire. Le gazon qu'on aime bien fumer, surtout. Ou ça aussi, mais bon. C'est pas celui-là que je parle. Il y en avait aussi, mais bon. Ah non, c'est celui où on s'installe à terre, quoi, en général. Ouais. Et bon, elle était de très bonne qualité, on aurait pratiquement dit de la vraie. Il manquait des parasols, parce que bon, ils avaient annoncé canicule, donc tonnelle et parasols, ça manquait énormément. Ouais. Niveau bar, il était magnifique le bar à l'intérieur. Ouais. Mais là, l'écran, il était petit. Voilà, c'est ça que tu m'en avais parlé. Grand VIP, le seul hic, écran VIP petit. Deux écrans, moi j'en aurais mis un près de la piscine aussi. Moi j'en aurais mis un dehors aussi, avec la canière j'en aurais mis un dehors. Ils avaient la place pour mettre un dehors. Le bémol que je t'ai dit aussi, c'est à l'intérieur, enfin le bémol, moi personnellement, business appelle business, et je l'aurais fait, c'est de vendre les affiches, les dessins qu'ils avaient exposés. Qu'il y avait. Ouais, mais. Et ainsi que les cadres. Moi, j'aurais fait. Ouais. Les cadres, ils ne les vendent pas. Les photos, ils retournent aux photographes. Ouais. Mais les dessins, ils ne les vendent même pas, ils les donnent. Mais c'est parce qu'on a dû. Voilà, on a dû partir plus tôt. Mais sinon, on aurait pu pécho tout ce que tu voulais. Bah ouais, mais bon. Quand tu peux malheureusement pas finir, moi, je trouve que. Ouais. Mais ils peuvent pas enlever le décorum. Ils peuvent pas enlever le décorum tout de suite, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'ils s'en prennent plusieurs, puis hop, ils en ont une autre à la place. Ouais. Il y a bien un cadre qui a dégringolé. Oui, un slasher. Je sais pas si c'est lui qui l'avait tombé, mais bon, je me suis retrouvée avec une autre photo de Tilly Deman qui était pas mal aussi. Mmh, ouais. Mais ça, je tiens à signaler à tous nos amis photographes, c'est toutes des photos que le Hellfest sélectionne pour mettre dans le coin VIP. Donc, moi, c'était surtout les dessins, enfin les photos, c'est sûr qu'elles sont magnifiques aussi. Mais les dessins, je trouve que... C'était bien. Ouais, c'est... Moi, j'ai trouvé que c'était beau. Il y en avait très un surtout... Le Nikki Six, c'était magnifique. Enfin, les autres aussi, il y en avait plein. Hein. Donc, tu as réalisé des interviews aussi? Ben oui, du vendredi, c'est clair que j'ai pas vu grand-chose en concert. Hein. On n'était que en interview. Ouais. T'as réalisé Avatar? Moi, il est passé à côté de moi Avatar, plusieurs fois. Ben oui, mais bon, pourtant, tu sais comment il est quand il n'est pas maquillé. Oui, mais j'ai pas. Mais là, franchement, mais bon, si vous avez déjà vu La Croisière s'amuse. Ouais, mais ça, il avait dit, hein. Ouais. Faut suivre ce qu'il dit, mais il avait dit qu'il se serait baladé dans le public, mais un petit peu incognito. Oui, mais La Croisière s'amuse, c'est c'était pas vraiment pas ça. Les gens, hein, mais un petit peu réservé, un petit peu. Mais c'était vraiment ça. Et voilà, à un moment donné, pour te dire comment ça a été. Hein. Moi, j'ai reconnu tout de suite, hein, quand il est rentré, je lui ai dit, Johannes, et puis voilà, qu'on est parti, hop, mais si tu dans veux, un petit délire, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'il a signé toutes ses photos, je sais pas si t'as vu ça. Ouais. Mais à un moment donné, pour te dire que même les gens de la maison de disques ont vu un gars signer des photos et ils allaient appeler les vigiles pour le sortir, quoi. Ils se demandaient qu'est-ce que... Et non, c'est bien dit. Et maquillé et maquillé, c'est pas du tout la même personne. Ouais. Donc, t'as fait Avatar. Ouais, j'ai fait Avatar, Inglourious. Et... Mirat. Mmh. Et normalement, on aurait dû faire, si on n'avait pas fait une marche forcée, on aurait dû faire Iron Bastard. Iron Bastard, ouais. Ah ouais, qu'on n'a pas fait. Bon, malheureusement, bon, David, il n'a pas mal pris, mmh. pas du tout. Hein. Ouais. Ça a été... De toute façon, vous retrouverez les interviews sur la page Rive d'Enfer. Hein. Si vous avez aussi des réactions, si vous étiez au Hellfest, notamment, je pense à notre ami Vaken ou quoi, s'il a son petit mot à dire, bah, il peut nous envoyer un message et on dira hein, ce qu'il a envie de dire. Et s'il a envie de faire des comparaisons, on est là aussi pour ça. Hein, oui. Parce que, voilà, on ne crache pas dans la soupe. Sur ton festival, tu as vu beaucoup plus de concerts que moi. Les conférences de presse aussi, c'était intéressant. Moi, j'ai trouvé que c'était vachement intéressant. Surtout une, hein. Nichon. Bah, c'est-à-dire que bon, bah, nous, on aime bien Steel Panther fatalement. Les gens, je crois qu'ils l'ont suffisamment compris. Ouais. Mais c'est sûr que c'est intéressant quand même. Ouais. Mais ça prend du temps. Ça prend énormément de temps de patienter, de s'installer, de filmer. Ah oui, si on veut une bonne place ou autre, ouais. Ouais. Mais bon, c'est intéressant. Tout à fait. Et franchement, on va essayer de récupérer la... Parce que le slasher a fait une mauvaise manipulation. Bon, et arrive, il le regrette. Hein. Mais la conférence qui était vraiment intéressante, c'est celle de Steel Panther, parce qu'on a eu un set acoustique aussi. Oui. Improvisé. Improvisé, un total. Ouais, c'était génial. C'était génial. Les photos... Moi, j'ai bien rigolé. Ouais. Franchement... Tes coups de cœur concert, comme toi, tu as vu assez bien de concerts... Mon coup de cœur, j'avoue, mon gros coup de cœur, ça a été pour Dead Daisy. J'avoue que j'ai bien aimé. Bon, je l'ai croisé en plus. J'étais près de la piscine en train de faire des photos, mais j'ai pas eu le temps d'en faire une avec. Malheureusement, je regrette. Oui. Bon, il repassera hein, certainement. Bon, Ministry, pour pas changer. De toute façon, moi j'adore Ministry en concert. Ça, c'est clair, net et précis. Oh, je les aime bien tous hein, chez Ministry. J'ai une préférence pour Sin Kirin et César le Soto. Mais ces deux guitaristes, bon, je les aime bien. Bon, j'aime bien aussi Al, hein, le chanteur, Al Jean Gassen. C'est une pièce aussi à voir, hein, c'est clair. Ah, ça, c'est... Que... Il est plus impressionnant à voir aussi, hein, avec tous ces... Il est beaucoup percé, il est beaucoup tatoué. Il est tatoué en hiéroglyphe. Ça, il faut le savoir que c'est que du hiéroglyphe qu'il a sur lui. Donc, hiéroglyphe égyptien, que c'est de l'écriture ancienne égyptienne. Donc, il veut dire des messages. Qu'est-ce que j'ai vu ? Bon, je n'ai pas été déçu de la prestation de Steel Panther. Moi, j'avoue, j'ai eu de la chance de les voir au Hellfest. Il n'y a pas eu trop de blabla. Par contre, j'ai entendu qu'au Grasspop, il n'y a pas arrêté de parler. Par contre, là, j'ai quelqu'un, justement, on lui fait un petit coucou. C'est un ami aussi, Pascal, Pascal Gravillon. Oui, qui nous demande s'il y a eu des tototes au Steel Panther. Il y a eu mieux que ça. Il y a même eu des pantalons baissés, notre cher ami ouais, Pascal. Des pantalons baissés. C'était sympa. C'était sympa. Ouais, c'était le Hellfest. Ah oui, il y avait. On peut dire que c'était le Saint Fest. Ouais. Enfin bref, non. Et Aerosmith, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'étais déçu. Bon bah déjà, comme beaucoup de gens, on a cru avoir les chansons les plus connues, et ben pas du tout. Ils ont le chanté. Le set n'a pas été terrible, j'ai trouvé. Moi, ce que j'ai eu comme ressenti, et on en a parlé un peu avec les gens, ils venaient vraiment pour dire que c'était leur dernier show, et on les a posés comme des pions. Toi, tu te mets là, tu chantes, tu joues, et puis basta, quoi. Puis même le set, hein, j'étais déçu, moi. Toi, pas toi, honnêtement. T'aurais pas cru qu'il aurait joué un peu de chansons beaucoup plus... Je vais pas dire que c'était pas connu, ce qu'il chantait, mais beaucoup plus connus, quoi. Comme un best-of. Ouais, un best-of. Ouais. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que bon, on voit bien qu'il n'y a plus une entente dans ce groupe. On voit bien qu'ils sont là vraiment. Je sais pas, moi je me voyais déjà avec mon best-of que je t'avais ramené l'autre fois, que je t'ai dit, regarde, moi je savais qu'elle jouait ça, quoi, carrément. Que veux-tu, c'est. Ouais, je vois, il n'y a pas que moi qui l'a dit, quoi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il a joué, lui. Ouais. Donc ton coup de cœur, Rob. Ah, Rob Ministry, aussi, Ministry, Steel Panther, Inglorious peut-être sur scène. Dead Daisy. Inglorious sur scène peut-être. J'ai trouvé Inglorious fatigué. Je ne les ai pas trouvés au top. Je suis désolé, hein, si Nathan il nous écoute, je suis désolé, mais je ne l'ai pas trouvé au top. Très gentil, hein, je ne vais pas dire. Moi il m'a reconnu parce que ça fait longtemps que je suis Nathan. Donc voilà, mais je l'ai trouvé fatigué. D'accord. Donc tu referas le L. Bah écoute, ma foi, si tout va bien, pourquoi pas, oui. D'accord. Ouais, c'était sympa. Moi, je trouve que c'est sympa, aller voir. Ah, il faut le vivre. Il faut le vivre. Puis, on fait pas mal d'autres connaissances aussi. Ouais. Parce que, bah, mine de rien, c'est un festival où les gens discutent énormément entre eux. Tout à fait. Et l'hygiène est là aussi. Ça, ce que je tiens vraiment à le signaler aussi. Parce qu'il y a certains concerts, même des concerts dans les salles, ouais, où tu n'oserais même pas aller dans les chiottes. Quoi. Ouais, là, c'est très propre. Hein, c'est propre, franchement. Il y a tout. Hein, Voilà. Et bien, on va s'écouter un de tes titres. Et oui, donc, ben écoute, moi, j'ai choisi Kryptonite. Oui. Avec This is the Moment. Donc, Kryptonite, ben, c'est les membres quasiment, je dis bien quasiment, des Poodles, le groupe suédois que toi et moi on connaît très bien. Ouais, et bon, franchement j'adore ce qu'ils font. Hein. Donc au niveau chanteur, bah, c'est toujours le même, c'est ton pote Samuel, je sais plus son nom, enfin bref. Et par contre, ils ont remis Pontus au niveau basse. D'accord, bah, peut-être qu'ils vont faire une tournée aussi, peut-être Kryptonite, ce sera le coup de les voir. Oui, mais j'ai pas bien compris moi leur histoire, et Poodles, ça, là, il existe encore ou il existe ouais, ils peuvent faire ils ont deux groupes ils alors. Peuvent faire un ou deux groupes. Hein, je crois qu'ils ont eu de la misère à se séparer. Ouais. Donc peut-être qu'ils font deux groupes, hein. Peut-être que là Poodles est en pause, et qu'ils se disent ben, on va faire autre chose quoi, en attendant. Ouais, je pense, écoute, je sais pas. Voilà. Eh ben, je te laisse annoncer ton titre. Donc, c'est Kryptonite avec This is the Moment. This is the moment. Bah, c'est pas mal du tout à ton son, Sylvain. Oui, c'était donc le groupe Kryptonite avec This Is The Moment. Donc, ils sont quasiment les mêmes membres de The Poodles. Les caniches. Les caniches qui étaient passés à Courtrai, à De Crun. Mm-hmm. Et ça aussi, on attend aussi avec impatience d'aller à l'Alcatraz Festival. Ouais. L'Alcatraz qui aura lieu donc le 11, 12 et 13 août. Donc oui, il y a le 11 août qui commence à quelle heure, je ne sais pas. Mais d'après-midi, je pense. Début d'après-midi, mais en plus de ça, il y a des groupes superbes à voir. Il y a Ghost. Il y a Ghost et pour moi, Crocus, Marc Storas, il faut voir ce Il y a Korn aussi, il y a beaucoup de Korn, gens qui vont aller pour Korn. Et c'est un très chouette festival. Et voilà, on fera un spécial Alcatraz 15 jours avant, plus ou moins. Oui, comme on fait comme à chaque fois, on fait toujours un spécial Alcatraz, festival qu'on aime aussi aller. Mmh. Ok. Et en plus, on fait ça à chaque festival. On fait un avant et un après. On fait un débriefing, comme là, on fait le Hellfest. Ouais, là aussi, le Hellfest. Après, on fait l'Alcatraz et les autres aussi. Le Locker's Festen, qui aura lieu une semaine avant encore. Mm-hmm. Et après, ce sera le Ramfest. Et après, normalement, on repassera dans les salles obscures. Et normalement, on verra peut-être Tonton Roger, à qui on remercie. J'espère. Il sera normalement, il a dit qu'il passerait une journée sur l'Alcatraz. Tonton, que remercie d'ailleurs avec le travail qu'on a pu faire au Hellfest. Eh oui. Alors voilà, donc si je tiens à dire, si vous étiez au Hellfest et que vous voulez témoigner pour ceux qui ont découvert ce festival, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer un message. Je sais bien que j'ai parlé avec quelques amis qui n'avaient jamais fait le Hellfest, qui m'ont dit maintenant, on ne jure que par le Hellfest. Quoi. Voilà. Enfin, donc, on a eu ton ressenti. Le petit Slasher n'était pas là, il était tout triste, mais bon, je sais bien qu'il nous écoute. Et lui aussi, il a voulu dire son petit mot sur le Hellfest avant de jouer son morceau, c'est un Slasher Song. Et on va l'écouter pendant un bon 6 minutes, qui va nous expliquer son ressenti du Hellfest. Salut, Rive d'Enfer, c'est le Slasher. Donc là, je ne suis pas présent à l'émission, mais j'ai décidé d'enregistrer ma voix sur bon son pour tout simplement vous dire ce que mon compte rendu du Hellfest 2017. Donc pour moi, c'est ma deuxième du Hellfest. Scream, je crois que c'est ta troisième. Oui, tu avais été en 2014, en 2015 et en 2017, fatalement. Et Sylvage, c'est ta toute première. Et donc moi, j'y avais été en 2015 pour voir notamment Scorpion, Face No More, Five Finger Death Punch, etc. Et tiens, Five Finger Death Punch ont changé de chanteur. Maintenant, ce n'est plus Ivan, c'est un autre chanteur. Mais bon, trêve d'aparté. Et donc, moi, mon ressenti sur le Hellfest 2017, il s'est très très bien passé. Le VIP a changé de place. Donc, le VIP est maintenant juste devant, si je puis dire devant ou à côté de la vallée. Et donc, l'emplacement, je trouve qu'il est bien, mais encore une fois, le Hellfest, je sais pas pourquoi, c'est un petit peu mon regret, c'est que les emplacements, chaque fois qu'il y a un VIP, il faut que ce soit toujours à côté d'une stage, donc d'une scène, et donc le bruit est très très important, et pour faire des interviews, c'est bof bof. Mais bon, ils avaient fait vraiment une grosse amélioration sur le VIP, vu qu'on compare en 2015 et en 2016, je crois, il y avait juste un bâtiment qui servait de VIP avec une genre de petite terrasse avec des voitures abandonnées et des hamacs. Voilà. Et maintenant, ils ont tout amélioré. Donc c'est-à-dire que maintenant, ils ont mis une énorme tente où on voit par exemple des dessins de Gojira, Slayer, Billy Idol, etc. Et donc ça, c'est le VIP Press. Donc on a les box pour les interviews, toujours la session informatique, etc. Mais dans le VIP, en sortant, on a une grosse terrasse avec des petites tables comme ça pour être bien tranquille. On a de la pelouse synthétique aussi. C'est une innovation qui tient super bien. Et aussi, mon petit coup de cœur, c'est la piscine, si je puis dire. Il y a une fontaine, tout d'abord. On voit des genres de personnes assises et elle est super bien foutue. Elle s'imprègne vraiment dans le festival. Et donc la piscine, est vraiment super bien faite. On a la fameuse tête de mort, etc., qui est super bien. L'eau est bonne. Voilà, l'eau est bonne. Donc ce VIP est excellent, ils ont rénové tout le bar, ils ont mis des eaux en guise de structure, etc. Et donc moi, qu'est-ce que j'en pense? La tête d'affiche que je voulais voir, et je crois que c'est pour ça que les gens sont principalement venus au Hellfest, c'est pour voir la dernière date en France d'Aerosmith, enfin si je puis dire dernière date, vu qu'en rebondissant sur tout ce qui est tournée d'adieu, etc., en 2015, il y avait Scorpion qui devait faire une tournée d'adieu, et ben, il s'avère que la tournée d'adieu... Il n'y a pas de tournée d'adieu. Donc, j'avais été surtout pour Aerosmith. Le show était bien, mais on ne voyait pas que les membres étaient trop chauds à faire un concert. On voit bien qu'ils ont pas, comment dire ça, un peu marre, voilà. C'est des rockstars, quoi. Franchement, pour dire rockstar, ils se faisaient déposer une bagnole par musicien. Je crois que ce serait quand même abusé, mais bon. Je suis aussi venu voir Rob Zombie. Ah, Rob Zombie. Toujours une claque avec sa tournée exceptionnelle Astro Creep 2000, j'ai rien à dire dessus, vraiment excellent. Deep Purple, qu'on avait aussi vu le 1er juin au Zénith de Lille, c'est le même set qu'ils ont joué, exactement le même set, mais ça se déguste toujours bien. Donc là, ce Deep Purple et Rob Zombie avaient joué le vendredi, et le samedi, c'était Aerosmith. Et le dimanche, eh ben, il y avait, comment dire, Linkin Park, que nous n'avons pas y assisté, on n'aime pas trop Linkin Park, mais je ne reviendrai pas sur ce sujet ou ce qui s'est passé à huer ou même insulter Linkin Park. Pour moi, c'est un peu, on va dire, un coup de gueule, vu que si t'aimes pas, t'aimes pas, tu peux le dire que t'aimes pas, mais pas de cette façon-là. Écoutez, toutes les personnes qui disent ça, bah, on se fait mal passer, voilà, c'est à cause de ces bêtises-là qu'on se fait mal passer, mais bon, c'est pas grave, c'était mon point de vue sur cela. Et il y avait Prophet of Rage, Blue Star Cult, etc. Et donc maintenant, on va parler des conférences de presse. Donc on a vu Alter Bridge, qui sont super sympas, qui ont pris du temps pour leurs fans à signer des autographes et à prendre des photos. Ugly Kid Joe, aussi vraiment super sympa, eux aussi. Blue Star Cult avec Eric Bloom, un scream, vous me cassez les pieds pour voir Blue Star Cult en conférence de presse. Il y avait aussi Steel Panther, et là franchement on était quand même, c'était marrant quoi, vu que en fait ils avaient fait, ils chantaient une genre de session acoustique, même s'il n'y avait pas de guitare et tout, une acapella si je puis dire, une acapella. J'ai fait une petite acapella dans la conférence de presse. Il y avait Prophet of Rage, la conférence la plus sécurisée que j'ai vue du Hellfest, n'empêche. Mais bon, j'ai su rencontrer Chuck D, et merci encore à Chuck D. Et il y avait plein d'autres conférences de presse. Il y avait notamment In Flames, qui était super bien. Il y avait plein d'autres. Il y avait Ben Barbo, qui avait tout dit. C'est là, d'ailleurs, c'est le fest où ils ont eu le record d'alcool. Je crois que c'est 35 000 ou 350 000 litres de bière déversés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et aussi, franchement, on voit les améliorations qui ont été faites sur le festival. Et même ce qui est bien, c'est la sécurité. La sécurité est encore plus présente. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je tenais à remercier Ben, Alex et tout le monde de nous avoir accrédités pour ce festival. Et on se donne rendez-vous en 2018, le Hellfest. Et aussi, merci à tous les bénévoles qui font ce boulot beaucoup de temps. Bénévoles, quoi, ils sont pas obligés de le faire, mais ils le font quand même pour satisfaire nos oreilles et notre vue. Donc merci à tout le monde d'avoir organisé ce merveilleux festival. Et donc là, on va passer à ma slash chanson quand même, j'en ai quand même prévu une. Je vais vous dire, c'est du Prophet of Rage avec le titre Prophet of Rage, le titre éponyme de l'album. Donc on se retrouve bientôt, la semaine prochaine, et je vous dis ciao. Donc là on va s'écouter Prophet of Rage avec le titre Prophet of Rage. Je me vois déjà en train de jumper comme ça, Prophet of Rage. Ouais, c'était bien ça. Ouais, Prophet of Rage, donc c'était la slasher song du slasher et le petit témoignage du slasher, voilà, qui a un peu résumé lui son ressenti hein, du Hellfest, grand moment encore une fois qui a été le Hellfest. Voilà, le prochain titre qu'on va vous jouer, bon c'est ce que je vous disais aussi, le Hellfest, bon moi pour ma part, vous connaissez plus ou moins ma façon de oui, toi t'es adepte hein. Adepte déjà du Hellfest, mais aussi adepte de tout ce qui est relations, donc moi je préfère rester VIP. Bah oui, toi tu restes en presse, hein, c'est voilà. Clair et net. D'ailleurs, c'est pratique parce que je peux te déposer mon sac. Et puis bon, j'essaie de faire du relationnel automatiquement, ouais. Rencontrer des gens. Une bonne équipe là. Ouais. Au niveau de la presse, une fois que tu es dans l'espace VIP, il y aura aussi une bonne équipe, attention. Mais c'est plus intime, l'espace presse. Donc, il y a vraiment une bonne équipe dans l'espace presse. Ouais. Notamment, on a Roger qui est super sympa, il faut être honnête. Notre ami Christophe, qui est super top. Cri-cri. Il y aura des photos, d'ailleurs. Notre Jenna, qui est super gentille, cette fille. Avec Phil. Donc, elle est toujours en train de courir. Jenna, elle n'a pas tellement le temps de parler, malheureusement. Mais bon, toujours un petit sourire ou un petit mot pour être agréable. Oui. Il y a Phil, Olivier Garnier, toute l'équipe de bénévoles, comme disait le slasher. Tout à fait, les gens qui t'orientent pour les interviews, les maisons qui sont là, carrément, tout à fait. Qui t'orientent, qui t'expliquent où tu te places, où tu te poses, si tu peux attendre déjà dans le petit espace. Box. Ouais, le box, voilà, cherche après le mot, merci. Mais j'aime pas dire le box parce que... C'est ça s'appelle comme ça, mais généralement, dans l'autre jargon, c'est un box aussi, quoi. Ouais, mais c'est pas pour autre chose. Box. Ouais. Mais c'est vrai que moi, bon, voilà, je préfère, comme je te disais, moi, les concerts, je préfère les voir en milieu plus intimiste, même à Bercy ou quoi, où c'est plus intimiste que là où un gros festival, et où moi, je fais plutôt du relationnel. C'est-à-dire que t'atterrais, bon, bah, qu'à moi... C'est sûr que quand j'aime bien un groupe, je me dépêche pour être bien placé, mais je vais te dire honnêtement, il faut courir. Il faut courir, et puis bon, si après t'es en retard pour une interview... En pleine chaleur, moi j'ai traversé la plaine comme une folle pour ministrer. Je t'explique pas, mais j'étais au crash barrière. Et voilà, donc moi je préfère plutôt faire du relationnel et tout ça, et des fois ça permet de rencontrer des artistes, et puis... Ah oui, ça c'est sûr que toi t'as peut-être vu plus que moi, étant donné que moi j'ai pas arrêté de balader dans l'autre... Voilà, dans la paix publique. Dans l'antre de ça. Dans l'antre, dans l'antre de la bête. je veux dire, voilà, ce qu'il y a, c'est que bon, comme ça, on a pu... Toi, t'as pu voir les scènes, et moi, j'ai pu faire des interviews, notamment à Hellstorm, des interviews comme Defiancy, Super Scream, Skindred... qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'en ai fait une flopée, j'en parce qu'on en a rajouté en plus. On m'en a rajouté, oui. Pretty Maid et tout ça, donc on en a fait plein. Alors justement, quand on en rajoute, ce qui est l'avantage, c'est qu'on a les ordinateurs où on peut travailler nos interviews, faire nos recherches. Donc voilà, moi je préfère faire ça et puis d'être... je veux dire, pas frais comme un gargon, parce que sous la tente, il fait encore plus chaud que dehors. Oh, ça l'est. Ça l'est, quand on laisse un courant d'air, quoi, mais... Ouais, non, ça l'est, il faisait moins chaud où vous étiez que nous. Ça dépend, nous, ça on dépend. On était vraiment plein soleil dans cette... Et puis bon, notre petite recette. Ouais, et puis bon, vous étiez... Enfin, nous, on était carrément en plein soleil, quoi. Hein. D'ailleurs, on a dû passer la pommade. On a eu beaucoup de soleil entre deux. Hein. On a dû passer la pommade. Ah oui, oui, merci encore. Hein. Alors voilà, donc je remercie Charles et Hello qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoute Eric, il y a un album qui sort le 25 du 8, on aimerait bien te le filer, mais seulement, voilà, attends notre feu vert pour pouvoir jouer des titres. Et on a reçu un feu vert aujourd'hui. Et voilà, t'as ton feu vert. Voilà, pour jouer Inner Sun. L'album s'appelle Black Nova, c'est le nouveau Dagoba. Ouais. Et on va s'écouter un titre, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Ouais, il y a beaucoup de fans de Dagoba. Hein. Voilà, et donc, en exclusivité sur RQC 95 FM, Rives d'Enfer. Donc, Inner Sun, donc extrait du nouvel album de Black Nova qui sortira le 25 août, le nouveau Black Bomba, c'est parti, c'est tout de suite le Black Bomba, moi de Dagoba, pardon. Waouh, je suis vraiment fatigué. Je suis fatigué aujourd'hui. Allez, c'est parti. Voilà donc un avant-goût du nouveau Dagobah avec Inner Sun. L'album s'appelle Black Nova et il sortira le 25 août. Donc voilà, deux petits mois à attendre. Hein. C'est pas trop long. C'est pas trop long, vous allez partir en vacances, vous allez bronzer, vous allez revenir en ayant mangé beaucoup de glace et tout ça. Donc, et vous serez frais comme un gargon pour acheter le nouveau Dagobah pour aller perdre vos kilos en pogotant. Voilà. Donc, le prochain titre, c'est toi qui l'as choisi. Alors, c'est Quiet Riot avec Freak Flag. Voilà, il y a un nouvel album qui va arriver, Quiet Riot. Ouais. Moi, j'ai un peu jeté une oreille, mais vraiment, ça vaut pas Kevin Dubrow qui malheureusement nous a quittés, hein, qui avait une voix assez particulière, si tu te souviens des titres. Enfin, tu verras bien, on verra bien. Tu vas me dire ce que tu penses de la voix. Voilà, quoi. Il faut savoir que Quiet Riot, si tu te souviens au début, Randy Rhoads qui a joué avec Ozzy, était dans Quiet Riot, mais il n'a même pas. Il est directement parti chez Ozzy. Tant mieux pour lui parce que il est devenu vraiment une. Je sais pas, ce mec-là, Ozzy, il a le don de trouver de super bons guitaristes. Et peut-être que ce sera peut-être un de l'affiche du Hellfest de l'année prochaine. Ça serait génial. Pourquoi pas, vu qu'il y a un nouvel album qui doit arriver incessamment sous peu. Imagine-toi, Ozzy. Bon, papa et mon chéri. Faut pas rêver. Papa et mon chéri. Quartier VIP, tu le verras pas. Ça n'a pas la peine. Mais peut-être que Black. Zakwa, il est peut-être. Non, il se balade pas non plus. Ça dépend. C'est très rare, hein, je te dis honnêtement. Je lui enverrai un mot, écoute, mon ami. Écoute, il y a ta chérie qui est là. Tu lâches ta barbe et il n'y a pas de problème. Allez, je t'ai annoncé ton titre. Donc, Quiet Riot avec Freak Flag. Voilà, c'est parti. In Voilà donc Sylvain, c'était. Alors Quiet Riot avec Freak Flag. Voilà, ça change quand même hein, le chant avec de Kevin. Bon, c'est bon... pas mal. On va pas dire que, mais bon. Ouais, voilà. Au début, tu sais pas trop si c'est une femme ou quoi qui chante. C'était un mec. Monsieur Dubrin. Voilà, donc il est l'heure de passer à la balade. Il est exactement 21h06, vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM. Avec vous, jusque 22h, Sylvain et moi-même. Tout à fait. Le slasher étant absent, mais bon, il est quand même présent d'esprit et de corps, parce que bon, on sent son âme électrisante ici. on va s'écouter la balade, et là j'ai choisi Secret Sphere avec Kidney. C'est vraiment une bonne petite balade et on se retrouve tout de suite après pour continuer nos nouveautés comme on le fait d'habitude. A word can tear you apart. Feels like I'm walking on broken glass again, but I know my way through. We play the waiting game so we can blame it all on destiny. I stand and run while falling. I listen, I'm learning, saving my kindness for you. You may draw with my colors. You can stand alone. You can be fallen. You listen. You're Eh ben, ça change quand même, hein, une petite balade. C'est une nouveauté, par contre, dans la balade. C'est Secret Sphere, ça s'appelle le Kindness. Ben voilà, ça, c'est pas mal, ça se laisse bien apprécier. Ça fait plaisir aux oreilles. Là, on va s'écouter une nouveauté. Moi, j'adore le groupe Ice Earths. Et on va s'écouter Black Flag, donc le drapeau noir. Et on se retrouve tout de suite après avec un de tes titres. C'est quelqu'un qui vient de rentrer. Oui, des gens qui se baladent. Voilà, c'est peut-être Rico qui vient nous faire coco. Rico, oh joli. Ice Earths, Black Flag, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et on se retrouve tout de suite après. je kiffe ce groupe Ice Earths. Et là, on vient s'écouter Black Flag, le drapeau noir. Franchement, l'album, il est vraiment du même acabit. Je vous le conseille. Alors, tu as choisi quoi comme titre là cette fois-ci? Bah, c'est pas Steel Panther, c'est les suites Léopard. D'accord. Bah, eux, ça va, ils ont quand même un suite. Ah voilà. En Léopard, quoi. En Léopard. D'accord. Avec le titre Heart of Stone. D'accord. Voilà. Et bon, ça doit être sûrement du glam, ça, à mon avis. Pas du tout. Pas Black du tout. Metal. Black Metal. Ouais, suite Léopard, Black Metal. Voilà. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de groupes quand même qui reviennent un peu en glam. En glam, hein, ouais, bon. Écoute, ça a toujours été d'actualité. Hein. Mais je veux dire, ils reviennent sur le devant et c'est peut-être dû à des groupes comme justement Steel Panther ou des choses comme ça. Van Halen qui revient aussi sur le devant. Mais bon, eux, ils ne veulent pas tourner par ici. Il y en a beaucoup hein, quand même en glam. Quand tu regardes bien, il y a Mr. Mist aussi qui est pas mal. Ouais, mais bon. Ça, c'est bon à voir. On espère que tout ça vienne un jour un big festival. Ouais, ben... Ouais, si, c'est... Si. Ce serait peut-être intéressant. Ouais, bah, Mr. Mist. Hein. Mm-hmm. Il tourne pas mal par ici. C'est un groupe belge. Mm-hmm. Belge ou hollandais, je sais plus. Je suis pas sûre, tout compte fait. Enfin, du secteur, ils sont pas trop loin. Mais c'est glam aussi, hein. Glam à fond. C'est très bien, ce truc. Mais il faudrait vraiment un gros festival, tu vois, comme on voit en Italie. Ils auraient leur place aussi au REM. Ouais. Ouais, voilà, Phil, si tu nous écoutes, hein, on a plein de filons à te donner. Ah, si, oh, Phil, si tu nous écoutes, on a plein de filons à te donner. Tu fais des jeux de mots, toi, toujours. Aujourd'hui, j'essaie d'en faire. Voilà, je te laisse annoncer, donc. Alors, suite Léopard avec Heart of Stone. C'est parti. Yeah. Voilà donc, c'était... Alors, Suite Léopard avec Heart of Stone. C'est pas mal, hein? Ouais, mais il faut être fou de laisser son suite, en plus en peau de Léopard, par un temps pareil. Voilà, il n'aurait pas tenu où elle fait ce longtemps. Hein. Voilà, donc je tiens aussi à dire que les photos, vous pouvez les retrouver sur la page Rive d'Enfer, hein, les photos du Hellfest. Tout n'est pas encore mis, on fait un peu le tri comme ça. Et je tiens à dire de rien aux amis qui nous ont remerciés pour remettre certaines vidéos et certaines concerts. Ou interview, c'est normal. Hein, voilà. Donc il y en aura d'autres qui vont arriver incessamment sous peu. Et voilà, ça fait plaisir. Justement, nous, au contraire, ça nous fait plaisir d'avoir des merci, parce que des remerciements, car on sait qu'on ne bosse pas pour rien. Voilà, ouais, voilà. Parce que ça prend du temps à nous de faire des interviews. De faire les interrogations, enfin d'interroger les groupes, de les mettre à l'aise, et puis après ça prend du temps aux slashers aussi, de faire des corrections parce que tout n'est pas bon à prendre dans une interview. Et puis des fois ça se passe pas toujours bien. Voilà, tout à fait. Et des fois on fait, ouais, il y a certains passages que les groupes, notamment, nous demandent, ben ça, je préférerais que tu ne le mettes pas ou quoi. Donc ça prend du temps aussi aux slashers de couper, de se souvenir qu'il doit couper à ce moment-là parce que le groupe a demandé telle ou telle chose, quoi, voilà. Mais enfin, j'espère que ça t'a fait plaisir, Yannick, pour Ultra Vomit. Des mecs super super sympas et on peut dire qu'ils étaient très émus de pourtant c'est un groupe nantais, d'avoir joué devant une main stage bondé. Oui, ils passent dans pas longtemps dans le secteur, il me semble. Et c'était bondé la main stage. Ouais. Les gens, ils couraient. Hein. Ouais. Et on a eu un scoop. On a eu un scoop quand on a fait l'interview d'Ultra Vomi. Il nous a dit, tu sais que notre bassiste a chialé en sortant de scène. Ah, bah ça m'étonne pas. Tellement qu'ils avaient une pression sur eux, quoi. Ah, ouais. Allez, on va s'écouter un titre avant de retrouver Tassil Valsogne. Ok. On va s'écouter Social Arsonist avec Duality of Perception. Et c'est extrait de l'album du même titre, donc Duality of Perception, c'est tout de suite, c'est maintenant. Take me to the grave. Voilà, ça décoiffe pas mal, hein. C'est Social Arsenite Duality Perception. Voilà, donc on va retrouver Sylval pour sa Sylval Song. Et tu as choisi quoi? J'ai choisi Ministry. Oh. Non, c'est bizarre. Hein. Comment ça? Et oui, j'ai choisi Ministry avec le titre Permaware, parce que bon, j'aime bien ce titre. Bon, il y en a d'autres qui sont très bien, mais bon, j'ai choisi celui-là. Mm-hmm. Et ça va te faire un Remember Hellfest? Ouais, voilà, aussi, tout ouais. À fait. Bah, tu les as vus aussi à Alcatraz? Ouais, je l'ai vu à l'Alcatraz. Mm-hmm. C'était très bon aussi, là aussi, j'étais en crash barrière, c'est toujours sympa. Mm-hmm. Et tu étais en transe, mais là, en plus, tu as rencontré ton guitariste. Ah ouais, là, j'ai rencontré mon guitariste, ouais. C'est vrai que, ouais. T'as fait une belle photo avec ton drapeau ouais, mexicain. Voilà, ouais. Bah oui, il y a beaucoup de gens qui se sont demandé, mais qu'est-ce qu'elle fout, celle-là, avec son drapeau mexicain? Mmh. Bah oui, parce qu'il est mexicain. C'est vrai voilà. Que... C'est vrai que j'ai énormément de gens qui m'ont dit... J'ai vu des points d'interrogation. Oui, bon, c'est vrai que je lui ressemble beaucoup, mais bon, ah oui, ça c'est autre oui, chose. Ça aussi, il y a quelqu'un qui me dit « Oh, comme Eric, il est bien sur la photo !» Mais je pense mexicane. Que cette personne, elle n'avait pas les bonnes lunettes. Elle n'avait pas mis ses lunettes, ou il est un peu mexicain sur les bords. Hein. Ouais, puis je me dis certainement que je tiendrai Eric comme ça. Ben, si je deviens peut-être guitariste au Mexicano, peut-être que oui. Voilà, allez, je te laisse annoncer ton titre. Donc, Ministry avec le titre Permaware. Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. We'll be right back. Voilà, donc c'était... Alors, c'était Ministry avec Permaware. Voilà, donc un de tes groupes... Ouais, un de mes groupes fétiches aussi, comme quoi j'écoute pas que du glam. Ouais. Bah un, oui. Tes groupes phares du Hellfest 2017. Avec Rob et tout ouais, ça. Ouais, ouais, ouais, ouais, si, c'est vrai. Oui, puis bon, bah là, ils vont sortir aussi un nouvel album dans pas trop longtemps. Mmh. C'est en projet, là, ça va sortir d'une minute à l'autre. Bah, je pense que tu l'auras aussi certainement. Normalement, oui. En si exclusivité nouveauté, je pense. Et là, ils vont sortir un best-of Ministry. Là, il va sortir incessamment sous peu. D'accord. Et ouais. Ben voilà. Ça va être bon à prendre aussi. Le CD, je parle. Tout. Ouais, bon, ça, c'est. Moi, j'essaie d'arrêter avec les Mexicains. Non, je rigole. Alors, voilà, donc c'était ton titre. Hein. Là, on va s'écouter une nouveauté encore une fois. C'est Orden Hogan, c'est allemand. L'album s'appelle Gunmen et on va s'écouter le titre Field of Sorrow. C'est vraiment, vraiment une petite perle. Pour moi, c'est. La chanson de mes deux heures, si tu veux. D'accord. Tellement qu'il s'est vraiment bien foutu. Là aussi, j'espère les voir en tournée. Pourquoi pas, hein ? Oui. Alors voilà, je ne sais pas ce que tu en penses de Ordon Again, mais franchement, c'est vraiment bien. Hein, c'est bien travaillé, surtout. Ouais. On verra bien ce que l'album va nous donner. C'était le titre Field of Sorrow. Alors, tu as choisi quoi comme titre là? Écoute, comme nouveauté aussi, au nouvel album qui s'annonce, c'est Cheap Trick. Voilà, là. 1, 2, 3, 4. Oui, Cheap Trick. Long Time Coming avec le titre. Écoute, groupe connu aussi, Californie. Ah bah oui, hein. En plus il a fait un duo avec notre ami Michael Starr, le chanteur. Hein, le chanteur. Mm. Ouais, donc, la fameuse chanson « I want you, you want me ». I want you to want me. Mais bon, je vais pas chanter parce que sinon il va pleuvoir, vous allez m'en vouloir. Cheap Trick. Ah, ça, c'est un groupe aussi que j'aimerais bien le voir sur scène. Ouais, quand ça même. Doit être pas mal aussi, ça. C'est plus rock'n'roll, mais. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est hein. pas mal, le rock'n'roll quand même. Hein. Voilà, je te laisse annoncer le titre. Alors, c'est Cheap Trick avec Long Time Coming. Voilà, et c'est parti tout de suite. Voilà donc. Cheap Trick avec Long Time Coming. Ouais, c'est pas mal. C'est très rock'n'roll, mais j'aime vraiment, vraiment bien. Quoi. Voilà, ça rappelle des bons vieux souvenirs quand on était rock et roll. Le prochain, c'est encore une petite nouveauté que tonton Roger nous a envoyé. C'est Byzantine ou Byzantine, c'est comme vous voulez. Ville Maxime, c'est extrait de l'album The Cicada Tree. C'est nouveau, c'est tout frais. C'est sur RQC. We'll be right back. Ça bouge un peu plus quand même. Ouais, hein. Là, ça bouge un petit peu plus. Hein. Byzantine avec Ville Maxime, c'est pas mal, ça bouge bien. Moi, j'aime bien, c'est du bon petit trashy. Comme moi, je les aime. Ouais. Zombie Lake, le lac des zombies, avec Killed a Thousand Times. C'est tout de suite, c'est maintenant, avec l'album qui s'appelle The Dawn of Horror. Pardon. On part un peu dans le monde de l'horreur, hein, voilà. Pourquoi pas. L'avant-dernier titre. Et après, on se fera un plaisir avec un groupe que le slasher, toi et moi, on aimerait bien le voir en concert. Bon, d'accord. Pourquoi pas peut-être aussi sur l'affiche du Hellfest l'année prochaine. Ouais, pourquoi ils vont finir par croire qu'on sait des titres, des groupes, mais je vous dis carrément, on ne sait rien du tout. Bah non. On ne sait rien, mais c'est des hypothèses qui font qu'avec des albums qui arrivent, qu'on pourrait se dire, ben, ils pourraient jouer. Voilà. Ah oui. Donc tu verras bien l'album qu'on va jouer après. Mais d'abord là, c'est Zombie Lake, c'est tout de suite, c'est maintenant. Reality, a fantasy, all hidden in the blur. Mother dread and father scorn, every single Voilà, donc c'est une nouveauté encore une fois, Zombie Leg, Killing a Thousand Times, extrait de l'album The Dawn of Horror. C'était quelque chose un peu trashy. Alors voilà, malheureusement, il est bientôt l'heure de se quitter, hein, Sylvain. Eh alors, oui, le temps passe très vite ici. Très très vite en notre compagnie. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, on sera en compagnie du Slasher, et toi-même. Oui. Hein. Eh oui. Et nous, on va se quitter avec Mr. Big. Voilà, un nouvel album. Ah, ça, c'est bon. Nouvel album arrive. Donc, peut-être. Ah, peut-être. Peut-être. Avec, franchement. Ouais, j'y crois. J'espère. J'espère. Parce mais que, j'y crois fort. J'espère, j'y crois. Moi, je croise les doigts, en tout cas. Mr. Big, Quiet Riot. Pourquoi pas? C'est des groupes qui pourraient peut-être figurer sur les affiches. Et peut-être aussi, bon, Ozzy, on verra bien. Là, on va s'écouter, on va se quitter avec Everybody Need a Little Trouble. C'est en attendant l'album qui doit arriver incessamment sous peu. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Ok, pas de souci. Dors bien, malgré cette chaleur. Voilà, chaleur, voilà. Oui. Donc, dors dans ta baignoire. Si tu n'as pas de baignoire, ben, dors dans ta douche debout comme ça. Et non, mais c'est vrai que c'est très dur de dormir avec une chaleur pareille. Je dormais voilà. Sur le balcon. Voilà. Attention au steam hook, il pique très fort. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Ciao les amis, et merci de nous avoir écoutés. Et j'espère qu'on vous a un peu donné envie de courir au mois de septembre, acheter les places qui restent pour le Hellfest. Il reste quelques passes, 3 jours. On vous dira quand ils seront en vente. Voilà. Voilà. Ciao les amis. Everybody needs a little trouble. après 9 ans d'absence, les rois de l'autruche corps ont décidé de remettre le coup.